Le dernier disait: Ô Belgique, qui m'a valu ce dur loisir, merci. J'ai pu du moins réfléchir et saisir, dans le silence doux et blanc de tes cellules, les raisons qui fuyaient comme des libellules à travers les roseaux bavards d'un monde vain, les raisons de mon être éternel et divin, et les étiqueter, comme en un beau musée, dans les cases en fin cristal de ma pensée. Mais, ô Belgique, assez de ce huis clos t'es-tu? Ouvre enfin, car c'est bon pour une fois, sais-tu?